Chapitre 16e. Ainsi, elle avait commencé par poser comme un dogme le respect de la maison conjugale. Et bientôt, elle l'avait attiré dans cette maison en le mêlant, presque malgré lui, aux affaires de course du marquis. Ainsi, elle avait commencé par rejeter obstinément ses propositions d'argent, qui lui permettaient de sortir facilement et rapidement de la situation terrible dans laquelle son mari la plaçait, du jour au lendemain. Elle s'était si bien soumise à cette idée que les 300 000 francs n'ayant pas suffi pour payer ses dettes, elle lui avait elle-même demandé la somme complémentaire nécessaire au paiement entier. « Quel soulagement !» avait-elle dit. « Jamais je ne me suis sentie si légère. Tout sera payé. Tout. Vous serez mon seul créancier, mais pas pour longtemps, je l'espère. C'était l'échéance de ses dettes qui me faisait perdre de l'argent. Je commettais les imprudences des gens pressés. Et pour avoir un peu, je risquais beaucoup. Maintenant, je ne ferai que de sages opérations. Et pourquoi en faire? Pour vous payer. Une femme telle que vous doit-elle toucher à l'argent autrement que pour le dépenser? Devriez-vous avoir des relations avec des agents de change, des bookmakers? Cela m'amuse. Je vous l'ai déjà dit 100 fois. Il faut m'aimer comme je suis, sans vouloir me changer. Je ne suis pas un animal perfectible. Je vous aime, je vous adore. Je suis prêt à tout faire pour vous. Mais demandez-moi de renoncer au jeu, à la toilette, au monde. J'aurai la douleur de vous refuser. Vous m'aimez tel que je suis, n'est-ce pas? Faut-il répondre? Non. Je le sais, je le vois, je le sens. Je dis donc que vous m'aimez tel que je suis. Pourquoi changer? Qui peut savoir si vous m'aimeriez autrement? C'est le papillon qui vous plaît. Coupez les ailes à ce papillon et alors il est certain qu'il ne volettera plus ça et là, en zigzag, par bond, et que vous n'aurez plus peur qu'il vous échappe. Mais aussi, il ne brillera plus au soleil. Il ne vous éblouira plus. Ce ne sera plus qu'une vilaine chenille. Je ne veux pas devenir chenille. Et vous, le voulez-vous? En parlant du papillon qui volait ça et là, Madame de Lucilière avait paru voler elle-même, tant il y avait de grâce légère et de caprice dans ses mouvements. Arrivée à sa conclusion, elle s'arrêta, et venant se poser devant lui avec une attitude grave et recueillie, les bras croisés sur la poitrine et le menton dans la main. « Cette fable montre, dit-elle, car vous comprenez que c'est une fable, que je viens de composer à votre usage, mon ami. Cette fable montre qu'il ne faut pas chercher à embellir celle qu'on aime, de peur de l'enlaidir. Que répondre? 1000 choses, quand on a sa raison et qu'on est de sang-froid. Rien, quand on est sous le charme. Et avec elle, c'était ce qui arrivait toujours. Loin d'elle, il trouvait 1000 objections à lui opposer, 1000 critiques à lui adresser. Près d'elle, il restait bouche close, les lèvres entr'ouvertes seulement par le sourire qui venait traduire au dehors la joie profonde qu'il éprouvait à la regarder et à l'entendre. Par cela seul qu'il était près d'elle, il se trouvait immédiatement transporté dans une atmosphère chaude et embaumée. Son regard était un rayon de lumière, sa voix une musique, son souffle un parfum. Quelque chose de subtil, d'innommé, se dégageait d'elle et le pénétrait. Alors, qu'importait ce qu'elle disait? Est-ce que c'était avec les oreilles qu'il percevait ses paroles? Est-ce que c'était ses paroles qu'il entendait? C'était sa voix qu'il écoutait. Il y a d'honnêtes gens de sang rassis qui se demandent comment un homme d'esprit peut subir l'influence absolue d'une femme bête et qui restent sans réponse devant cette question mystérieuse. Il n'oublie qu'une chose, c'est que ce n'est pas avec son esprit que cet homme écoute cette femme et qu'ils ont entre eux un langage particulier pour s'entendre et se charmer. Ils s'aiment et voilà tout. C'était là précisément le cas du colonel auprès de Madame de Lucilière. Non pas que celle-ci fût bête, il s'en fallait de tout. Mais enfin, ce n'était pas avec son esprit seul qu'il écoutait le langage entraînant qu'elle parlait pour lui. Il l'aimait et il était sous le charme. Est-ce que si elle avait dit des inepties, cela eût empêché que la musique de sa voix fût la plus douce qu'il eût jamais entendue? Qui s'est jamais soucié des paroles qui accompagnent une mélodie passionnée? Dans ces conditions, il ne pouvait donc être que fort peu sensible à ses contradictions d'idées comme à ses variations de conduite. Elle voulait noir, c'était charmant. Évidemment, il n'y avait que le noir en ce monde, il le sentait comme elle. 2 minutes après, elle voulait blanc. Le blanc devenait non moins charmant que n'avait été le noir. Évidemment, il n'y avait que le blanc en ce monde. D'où provenaient ses contradictions et ses variations, il ne se le demandait même pas, que lui importait. Dans cette liaison avec cette femme charmante, il ne s'inquiétait pas de savoir où il allait, et lui laissait la pleine direction de leur vie à tous deux. Elle le rendait heureux, l'entraînant dans un tourbillon de plaisir et d'agitation où il n'avait pas même le temps de voir ce qui l'entourait, exactement comme s'il eût été emporté dans un train à grande vitesse. Il n'avait qu'à se laisser rendre heureux, étroitement uni à elle, dans ce mouvement vertigineux. Tout ce qu'il demandait, tout ce qu'il exigeait, c'était que les liens qui les joignaient l'un à l'autre ne se relâchassent point un jour, au milieu de ces agitations. La vie gaspillée en distractions frivoles, le temps perdu, l'argent dépensé, qu'était-ce pour lui ? Absolument rien. Il était jeune, et il n'en était pas à faire le compte de ses jours, pas plus que de son argent. À se laisser emporter par ce tourbillon, il trouvait même un avantage, c'était de ne pas pouvoir revenir en arrière et de ne pas pouvoir penser. Thérèse. Ce souvenir lui était douloureux, et tout ce qui pouvait l'éloigner ou le chasser était le bienvenu. Pourquoi penser à Thérèse, puisque c'était Henriette qu'il aimait, non pas d'un caprice inconsistant, mais d'un sentiment sincère et profond. Sans doute, il n'y avait dans ce sentiment rien de ce qu'il avait ressenti, de ce qu'il ressentait même toujours pour sa petite cousine. Mais enfin, il existait, et c'est assez pour que tout ce qui se rapportait à Thérèse lui fût pénible. Sa liaison avec Madame de Lucilière eut pris le caractère qu'il avait voulu tout d'abord lui donner. Il eût pu continuer de voir Thérèse et rester à l'égard de celle-ci dans ses dispositions premières. Mais ce n'était point ainsi que les choses s'étaient arrangées. Cette liaison était devenue plus qu'un caprice et qu'une distraction. Sans en avoir conscience, il avait été entraîné beaucoup plus loin qu'il n'avait voulu tout d'abord aller. Alors, se sentant incapable de la rompre et de revenir en arrière, il s'était dit qu'il ne devait plus penser à Thérèse. Il la verrait comme sa cousine, comme une aimable et bonne petite fille qu'elle était, douce, naïve, simple, pleine de cœur, avec des qualités de tendresse qui réjouissaient l'esprit et adoucissaient l'âme. Mais ce serait tout. Il n'était pas homme, en effet, à diviser entre plusieurs son affection, et le partage lui paraissait quelque chose d'odieux, aussi bien envers lui-même qu'envers les autres, une tromperie indigne d'un cœur droit. Il aimait Henriette. Henriette le rendait heureux. C'était à Henriette seule, qu'il voulait penser. Mais il advint qu'au moment même où il voulait rendre cette liaison plus étroite, et voir sa chère Henriette plus souvent encore et plus longuement que par le passé, des difficultés surgirent qui eurent précisément pour effet immédiat d'apporter des entraves à leurs entrevues et d'abréger les heures qu'ils pouvaient passer en tête à tête. Un jour, Madame de Lucilière, qui depuis quelque temps se montrait préoccupée et inquiète sans avoir voulu répondre aux questions pressantes qu'il lui adressait à ce sujet, déclara qu'elle avait des craintes sérieuses du côté de son mari. « Un danger nous menace, j'en suis certaine, je le sens. Il s'est fait dans le marquis, dans son humeur, dans son caractère, dans ses habitudes, des changements qui me paraissent singulièrement menaçants. Quel changement ! Lui, qui ne m'avait jamais adressé une question, passe son temps maintenant à m'interroger, et il note soigneusement mes contradictions, quand il m'en échappe, ce qui arrive quelquefois, car lorsqu'on ment, on ne se rappelle pas ses mensonges et l'on se perd dans ce qu'on a dit. De plus, il interroge mes gens, j'en suis certaine, ma femme de chambre, mon cocher. Si je n'étais pas sûre de la discrétion de Sophie et du cocher que vous m'avez donné, nous serions perdus. Mais le marquis ira-t-il jusqu'à la somme qui ferait céder cette discrétion ? C'est ce que j'ignore, et vous comprenez qu'il y a là un tourment incessant. Il n'y a qu'à offrir à Sophie pour se taire une somme de beaucoup supérieure à celle qu'on peut lui donner pour la décider à parler. Ce n'est qu'une question d'argent. Peut-être, mais toutes mes craintes ne se bornent pas à Sophie. Le marquis, qui par ce que je viens de vous expliquer, paraît avoir des doutes sur moi, paraît d'un autre côté porter ses soupçons sur vous. Sa jalousie n'est pas vague et indéterminée. Elle s'applique à une personne certaine. Et cette personne, si j'en juge par certains indices, c'est vous. Et ces indices, j'avoue qu'ils sont très faibles et qu'il faut toute mon inquiétude pour y attacher de l'importance. Ainsi, ils se résument à peu près dans un seul point. Le marquis, qui avait toujours parlé de vous avec la plus grande sympathie, vous reconnaissant toutes les qualités, vous donnant tous les mérites, se servant de vous enfin pour abaisser ou écraser ceux qu'il n'aime point, le marquis commence à trouver que ses qualités et ses mérites ne sont pas ce qu'il avait cru tout d'abord. Vous avez des défauts. Et maintenant, il prend souvent plaisir à démolir, des mains même qu'il avait élevées, le piédestal sur lequel il avait dressé votre statue. « Le marquis me connaît mieux. Plus on vous connaît, plus on vous aime. Quand on m'aime, peut-être, mais quand on ne m'aime point, on me juge à ma valeur. Voilà tout. Il me paraît tout naturel que le marquis soit revenu de son enthousiasme inconscient. Vous parlez ainsi parce que vous ne connaissez pas le marquis. Autrement, vous sauriez qu'il ne revient jamais sur une idée quand il l'a acceptée, ou sur une personne quand il l'a adoptée. Voilà pourquoi son changement à votre égard est grave à mes yeux. Pour que ce changement se soit opéré, pour qu'il soit devenu sensible, il faut qu'il se soit passé quelque chose de sérieux. Personnellement, vous ne l'avez pas fâché. Je ne sache pas. Alors ce n'est point un fait de caractère qui l'a blessé. Et je suis bien forcé de retomber dans mes craintes. Il a des soupçons. Lesquels? Jusqu'où vont-ils? Je n'en sais rien. Et mes conjectures à ce sujet ne peuvent rester que dans un vague. Pour moi, tout à fait irritant. Un danger que je vois, je le brave. Un danger que je sens, mais que je ne vois pas, me fait peur. Qui pouvait avoir éveillé les soupçons du marquis? Ce fut ce qu'ils cherchèrent, sans arriver à une conclusion satisfaisante. Des imprudences? C'était possible, mais en même temps c'était bien invraisemblable, étant donné le caractère du marquis. Le paiement des notes du couturier, du bijoutier, de la modiste? Cette hypothèse pouvait se présenter à l'esprit. Cependant, elle n'était guère admissible, car Madame de Lucilière avait arrangé les choses de telle sorte que c'était sa mère qui avait paru lui fournir les sommes nécessaires à ses paiements. « Pour moi, dit Madame de Lucilière, après avoir discuté toutes les causes qui pouvaient raisonnablement avoir provoqué les soupçons du marquis, pour moi, je ne crois pas que ces soupçons soient nés spontanément dans l'esprit de Monsieur le marquis de Lucilière. Ils lui ont été plutôt suggérés. » Cette supposition s'était présentée à la pensée du colonel. Pourquoi un rival n'aurait-il pas voulu se servir du mari pour se débarrasser de l'amant? Mais il n'avait pas osé la formuler franchement, car c'était accuser l'un des amis de la marquise, et cela lui répugnait. Madame de Lucilière ayant elle-même abordé cette idée, il risqua la question qui était sur ses lèvres. « Et par qui ?» Mais la réponse ne fut pas celle qu'il attendait. « Par qui ? » dit-elle, « c'est ce que je me demande. Par un de vos ennemis. Par un envieux. » Vous me direz que vous n'avez rien fait pour avoir des ennemis. Cela n'empêche pas que vous en ayez, soyez-en sûr, et qui vous détestent d'autant plus qu'ils n'ont rien à vous reprocher. Quant à des envieux, vous devez comprendre qu'ils sont nombreux, n'est-ce pas? La conclusion de cet entretien fut qu'il fallait s'entourer de précautions, veiller sur soi et se voir moins souvent. Les précautions et la prudence, le colonel les admettait parfaitement. Mais ne plus se voir, c'était à quoi il ne voulait pas se résigner. « Voulez-vous me perdre? Voulez-vous me désoler? Trouvez un moyen d'empêcher les soupçons du marquis. Et lequel? Cherchons. » Il chercha. Il s'ingénia de mille manières. Mais le soupçon est de telle nature précisément que ce qu'on fait pour l'éloigner a presque toujours pour résultat certain de le rapprocher. Il en est de lui comme des précautions qu'on prend auprès d'une personne endormie et qu'on réveille par cela même qu'on fait tout pour ne pas la réveiller. Ce fut Madame de Lucilière qui, au bout de quelques jours, terriblement longs pour le colonel, car il était resté tout ce temps sans la voir, trouva ce qu'il avait vainement cherché. « Eh bien, » demanda-t-elle en l'abordant, « à quoi vous êtes-vous arrêté ?»« À rien. Enfin, quelles idées avez-vous eues ?»« Aucune vraiment pratique, toutes plus maladroites et plus folles les unes que les autres. Dites, à quoi bon, puisque je n'en veux pas moi-même ? Pour moi, je n'en ai eu qu'une, mais tellement bizarre, tellement originale, que je ne voulais pas vous la dire. Voilà pourquoi je vous demandais ce que vous aviez trouvé et à quoi vous vous étiez arrêté. Vite, vite, cette idée! Vraiment, je n'ose pas. Je vous en prie. Pensez à ce qu'ont été ces journées pendant lesquelles nous avons été séparés. » Elle hésita un moment, puis enfin, se décidant et parlant rapidement pour en avoir plutôt fini avec ce qu'elle avait à dire, détournant les yeux pour ne pas rencontrer ceux du colonel, « L'entretien que vous avez entendu, enfermé dans mon cabinet de toilette, a dû vous faire connaître le marquis, comme si vous aviez vécu plusieurs années dans son intimité, car il a parlé en toute franchise, sans ménagement aucun, sans rien cacher de son caractère. Que pensez-vous de lui? Mais, franchement, répondez! Car c'est de l'opinion que vous avez dû vous former alors que dépend l'exécution de mon idée, possible ou impossible, selon ce que vous allez me dire. Eh bien, je pense que Monsieur de Lucilière porte le souci de son intérêt personnel loin, très loin, plus loin que personne. Je pense aussi ce que vous avez dit suffit. Je n'ai pas besoin d'en savoir davantage. Et moins nous échangerons de paroles sur ce sujet, mieux cela vaudra. Alors votre idée n'est pas exécutable. Au contraire, au moins elle est à tenter, car c'est en partant d'une opinion qui est exactement la même que celle que vous venez d'exprimer que cette idée m'est venue. Dans d'autres situations, que faut-il? Une seule chose, calmer les soupçons du marquis, qui en ce moment n'existe qu'à l'état vague et n'ont pas pris encore une existence matérielle, un corps, pour ainsi dire. Tout ce que nous ferons de direct dans ce but ira contre nos intentions. Si nous changeons notre manière d'être, danger si nous ne la changeons pas, danger encore. Si vous êtes affectueux avec le marquis, danger. Si vous êtes dur et fier, danger toujours. Ce n'est donc pas en nous que nous devons chercher ce qui nous protégera, c'est dans le marquis lui-même. Je veux dire que c'est de lui que doit venir sa propre sécurité, et pour cela je ne trouve qu'un moyen, qui est de le placer entre sa jalousie et son intérêt. De quel côté ira-t-il d'abord? Hélas, la réponse n'est pas douteuse, du côté de son intérêt. Si nous arrivons à arranger les choses de telle sorte que M. de Lucilière voit toujours en vous une personne qui est utile à son intérêt, il sera aveuglé par ce mirage et ne verra pas autre chose. On ne cherche pas volontiers ce qu'on craint, tandis qu'on cherche obstinément ce qu'on désire. Il faut donc que M. de Lucilière cherche toujours à conserver de bonnes relations avec vous. Comment cela? Si je n'avais pas trouvé ce moyen, mon idée ne signifierait rien, et je ne vous en aurais pas entretenu. En somme, ce moyen est assez simple. Il consiste pour vous à devenir l'associé du marquis dans son écurie de course, non plus en pariant pour ses chevaux, ce qui ne signifie pas grand-chose, mais en partageant avec lui la copropriété de ses chevaux et de son haras, ce qui a une importance considérable.